Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui sont offerts dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169, Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe félicitent Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On va parler des Jeux olympiques de Pyeongchang qui sont maintenant choses du passé, des beaux jeux quand même. Et moi, mon coup de cœur, c'est Kim Boutin. On en parle avec un qu'on n'a pas parlé durant les Olympiques parce qu'il était tellement occupé avec la presse canadienne. Mais là, on va lui en parler pour faire son bilan. C'est Frédéric Daigle de la presse canadienne. Salut Fred. Hey, bonjour Danny. Fred, on peut t'écouter également sur Patching Grace, qui la nouvelle émission va être mise en ligne ce soir. Très bonne performance de Frédéric Daigle d'ailleurs la semaine dernière à l'animation. Comment t'as trouvé ça, Fred? Ah, ben merci beaucoup Danny. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir, hein. Puis je retrouvais, c'est certain là que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je retrouvais des vieilles pantoufles là, dans le sens où quand j'étudiais à l'université, j'habitais toujours à Repentigny, comme je le fais encore aujourd'hui. Puis il y avait une télévision communautaire qui s'appelait Télévision Rive-Nord à l'époque, là, qui jouait à la chaîne 9, là, qui est le MaTV aujourd'hui. Okay. Et puis j'animais comme ça une émission quotidienne, un peu d'affaires publiques régionales. Puis j'ai fait de la lecture de bulletins de nouvelles sportives. Fait que je retrouvais un peu des vieilles amours là, en retournant à l'animation. C'est sûr qu'à la presse canadienne, on a un service radio, mais on n'a pas d'émission comme telle. Mais en 2008 aussi, pour les Jeux de Pékin, on faisait une émission de récapitulation de la journée là, qu'on envoyait okay. à tous nos clients. Okay. Et puis c'est moi qui animais ça de Montréal avec nos deux journalistes sur le terrain. Fait que, tu sais, ça me permettait, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis j'étais content de replonger là-dedans un peu. Là. OK, donc bravo. Donc la nouvelle émission sera mise en ligne ce soir, donc les gens qui peuvent... Exactement, on va aller enregistrer ça ce soir, 5h30. OK. Fred, moi c'est Kim Boutin, mon coup de cœur, cette fille-là, je la connaissais évidemment, mais c'est sûr qu'on évidemment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la moitié d'équipe féminine vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas le choix de la suivre, là. Je la connaissais, je savais que c'était la relève de Marianne Saint-Gelais, mais de là remporter 3 médailles, et surtout avec tout ce qui est arrivé, c'était incroyable, là. Moi c'est mon coup de cœur des Jeux. Ben écoute, ça a été le coup de cœur de bien des gens et je pense que ça a été le coup de cœur du Comité olympique canadien également. Moi, je vais être bien honnête, là, j'ai été surpris de la décision du Comité olympique canadien de lui confier le drapeau. Pas que je trouvais qu'elle le méritait pas, mais ça m'a surpris parce que c'est un peu malheureusement là, c'est un peu anglophile là au Comité olympique canadien depuis le départ de Marcel Aubut. Là, peu importe les raisons de son départ, Marcel donnait une grosse place aux faits francophones. C'est un peu moins le cas depuis que Mme Tricia Smith est en place, mais je veux pas lui prêter de mauvaises intentions. J'ai été agréablement surpris. Kim Boutin le méritait amplement. Et surtout, je pense qu'il faut... les gens le savent pas nécessairement parce que c'est pas quelque chose qui a été nécessairement médiatisé. Le Comité olympique canadien là, a fait une grosse job avec Kim Boutin. Ouais. Après là, sa première médaille dans la controverse puis les menaces dont elle a été la cible. Et ça, c'est un jeu, un travail du COC qu'on ne voit jamais parce que c'est en coulisses, mais ils sont là avec un énorme personnel de soutien. Et quand il arrive des situations comme celle-là, je peux vous dire que les athlètes ne sont pas laissés à eux-mêmes. Je suis convaincu que les gens qui vont parler à Kim Boutin dans les prochains jours de sa mésaventure olympique, là, elle va être la première à dire « Wow, le COC a fait tout un job, j'ai reçu de l'aide, j'ai jamais été seul là-dedans. » Je suis convaincu de ça. Ben, je vais essayer d'y parler, d'ailleurs. Je vais essayer d'y parler. Ouais, ben écoute, c'est garanti qu'elle va t'en parler. Le COC, tous les comités olympiques là, nationaux, ça tire souvent leur lot de critiques parce que c'est très, très politisé. C'est, ces instances-là. Mais honnêtement, quand vient le temps de s'occuper des athlètes dans des situations comme celle-là, je peux vous dire que ils sont à 150% sur la job et ils font un travail remarquable. Merci. Et puis Kim Boutin, ben quelle performance, hein? Ses premiers jeux, elle est toute jeune, elle a quoi, 22-23 ans, Kim ouais, Boutin? Effectivement. Trois médailles. T'sais, on ne peut que regarder l'avenir avec beaucoup d'attentes, là, mais on peut penser que ça va être une carrière phénoménale qu'elle va connaître après un départ comme celui-là. Mm. Et puis oui, le courte piste encore au Québec nous démontre que la relève est là, puis que le programme en place, entre autres, mis en place, entre autres, par Frédéric Blackburn, puis toute l'équipe d'entraîneurs, l'équipe de haute performance de patinage de vitesse Canada, ben ça fonctionne parce que année après année, sur le circuit de la Coupe du Monde, quand vient le temps de participer aux championnats du monde et aux 4 ans aux Jeux olympiques, ben le Québec est toujours extrêmement bien représenté par le fait même le Canada, c'est sûr, là, mais la courte piste, ça se passe beaucoup au Québec, mettons. Oui, effectivement. Donc, bravo. C'était pas mal de la manière qui ont travaillé ça. Aussi, ben les coups de cœur aussi, Michael Kingsbury, la première semaine, je pense que c'était vraiment impressionnant. Hein? Ah, fabuleux. Tu sais, lui qui avait été tu sais, il a gagné une médaille de bronze au championnat du monde, puis tout le monde était déçu de sa performance. C'est un peu spécial, hein, quand tu regardes ça, mais c'est parce qu'il nous habitue tellement souvent à la première marche du podium, la plus haute marche du podium, qu'on dirait quand il ramasse une deuxième ou une troisième place, c'est décevant dans son cas. Mais Kingsbury, tu sais, qui était dans un peu dans la même position qu'Alexandre Bilodeau à Sochi, c'est-à-dire qu'il ne descendait pas dernier de la finale. Mm. Il descendait avant-dernier, puis il devait mettre la pression sur le Japonais, là, dont le nom m'échappe là, présentement, là, mais celui qui l'avait surpris justement au championnat du monde. Et puis, quelle performance! Vraiment, là, Kingsbury, tu sais, quand on dit performer sur demande, là, ben lui, c'est ce qu'il a livré, là. Ça dure 23 secondes une descente masculine en bosse. Ouais. T'as à peu près une centaine de bosses à négocier puis deux sauts périlleux. Alors c'est pas faut que tous les systèmes soient allumés puis productifs à 100%. Ouais, effectivement. Autre chose aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est en patinage de vitesse longue piste. On a eu une médaille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu depuis Gaétan Boucher, hein? Ça aussi. Ouais, oui, ça faisait longtemps. Ouais. Et puis l'expatrié Tedian Blowman qui est venu. Quelle histoire, hein, quand même, ce gars-là, là, aux Pays-Bas, où le long piste, c'est une religion, là, c'est la même chose que le hockey ici, là. Ce gars-là n'était pas assez fort pour se classer sur l'équipe nationale pour les championnats du monde, pour la Coupe du monde, pour les Jeux olympiques. Et puis, à un moment donné, je pense que c'est après la qualification pour Sochi, où il s'est pas qualifié. Pense à son avenir, pense même à arrêter toute compétition. Et puis là, avec une discussion avec son père lui rappelle que lui, il est né au Nouveau-Brunswick, où il a passé les 7 ou 8 premières années de sa vie. Puis il dit, garde, t'aurais le droit. Moi, je suis Canadien techniquement. Alors tu pourrais déménager là-bas, puis aller t'entraîner, voir si t'as pas une dernière chance de réaliser ton rêve. Et puis il a décidé d'écouter les conseils de son père, puis évidemment, j'imagine que de son côté, il s'est renseigné auprès de l'équipe canadienne, puis s'il allait être le bienvenu ici, tout ça, là, mais quelle histoire quand même, là, s'expatrier comme ça, adopter une nouvelle nationalité, et puis 4 ans plus tard, se retrouver vraiment au sommet du monde là de son sport, parce que le 10 000 puis le 5 000 mètres, c'est comme les distances reines du longue piste aux Jeux d'hiver, et puis lui, il va coiffer ses anciens coéquipiers, et j'ai bien aimé après le 10 000 mètres, là, le beau geste de Sven Kramer, le Néerlandais, justement, qui a terminé deuxième. Et, plus bas que ça, même. Il a fini 6e ou 7e, mais je pense, il était sur l'anneau en même temps que Blumen. Et puis, quand Blumen a gagné, il est allé le féliciter. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau, là. Peut-être que ma mémoire me joue des tours, là, mais, je me souviens de Kramer qui va féliciter Blumen et j'ai trouvé ça très sportif. OK. Alex Harvey, est-ce que tu prétends que c'est un choker? Ah, oh, ben, pas du tout. Non, parce que la Radio de Québec, sans dire que c'est un choker, ils n'ont pas dit que c'est un choker, mais ils ont dit qu'ils cherchent souvent des excuses, et c'est jamais de sa faute. Ah, oui, ben. Ouais, ben je sais pas si c'est le même animateur qui est allé mettre une connerie sur Facebook la semaine passée, qui l'avait justement traité de choker parce qu'il avait fini 7e ou 8e, là. Ouais. Tu sais, ce gars, tous les Norvégiens de cette équipe-là peuvent finir en avant d'Alex Harvey chaque compétition donnée. Harvey a terminé dans le top 10, je pense, à toutes les compétitions sauf une à laquelle il a pris part. Hier, aux 50 km où il est champion du monde, il finit 4e par un cheveu. Il se fait coiffer par deux Russes qui vont probablement perdre leur médaille dans les 4 à 8 prochaines années quand les nouvelles technologies antidopage vont pouvoir rejoindre les technologies des tricheurs d'aujourd'hui. Alex Harvey, là, c'est une machine. C'est un des plus beaux athlètes que le Québec ait jamais produit. Et puis, un peu comme son père qui se faisait voler à chaque championnat du monde aux Jeux olympiques par des tricheurs. Sauf que Alex, au moins, a la chance de vivre dans une époque où les tricheurs sont détectés des années plus tard parce que, les règles ont changé. On garde des échantillons pendant 10 ans dans un laboratoire de Lausanne, dans une chambre forte. Et puis après ça, ils vont être retestés, ces analyses-là. Et puis, vous saurez me le dire, moi, je pense qu'Alex Harvey va être médaillé olympique peut-être avant les Jeux de Pékin en 2022. OK. Dis-moi, l'Allemagne... Alors, avant de parler de l'Allemagne, je veux parler de 29 médailles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est fabuleux, hein? À Vancouver, on avait gagné 26, dont 14 d'or. D'ailleurs, c'était un record pour les Jeux d'hiver. Et là, l'Allemagne et la Norvège l'ont égalé cette année. Mais là, 29 médailles, c'est le plus haut total. On dit le plus haut total de l'histoire. Ben c'est vrai, là, mais à Los Angeles, en 84, le Canada avait ramassé 44 médailles. Mais on dirait qu'on calcule pas ces Jeux-là parce que tous les pays du Bloc de l'Est étaient absents, là. Mais néanmoins, alors 29 médailles, c'est le plus haut total, disons, officieux du Canada. Vraiment, là, tu sais, à chaque jour. Et puis, moi, je le vivais, là. Moi, c'était la première fois. C'était mes premiers Jeux à la télévision et au bureau depuis les Jeux de Turin. Là. J'avais fait Vancouver, Sochi. Les premiers Jeux d'hiver, là. Mm. Fait que, tu sais, alors je les ai vus vraiment différemment. J'ai pu voir toutes les compétitions, parce que quand t'es sur place, il n'y a rien de pire pour voir les Jeux que d'être sur place. Ça paraît paradoxal, là. Mais t'es tellement concentré sur des épreuves que tu couvres que tu vois pas le reste. Tandis que là, en étant le lien au pupitre pour nos deux reporters qui étaient là-bas, j'ai vraiment pu voir, je pense que j'ai vu, sur 29 médailles, je pense que j'en ai vu 26 en direct. Alors, c'est vraiment une perspective différente. Puis là, tu dis, waouh, tu sais, c'est fabuleux. Moi, là, j'étais littéralement ébloui à chaque jour par les performances des Canadiens. Et tu sais, je suis pas un... À la base, là, tu sais, t'as un peu une carapace quand t'es journaliste. Là, t'es pas nécessairement partisan de ce que tu couvres. Mais aux Jeux olympiques, l'impartialité des fois est plus difficile à trouver. Alors, tu sais, tu te réjouis pour ces athlètes-là, puis ça a vraiment été des Jeux extraordinaires pour le Canada. OK. Si on y allait maintenant avec du côté de l'Allemagne, je viens de parler avec un joueur qui est un ancien joueur des Remparts, Brent Tobin, qui a été repêché par l'Organisation des Leafs de Toronto, qui est rendu là-bas. Lui, il pense que ça va laisser un héritage. On a passé proche d'avoir un Miracle of Ice 2, hein? Ah, ben absolument. Écoute, les Russes qui marquent dans les derniers instants de la rencontre pour aller chercher ça in extremis. Vraiment, quelle performance de l'Allemagne. Tu sais, là, les gens disaient, c'était toute une surprise qu'ils battent le Canada. Ben, oui, mais avant ça, ils ont battu la Suède, puis ils ont battu la Suisse. Puis, tu sais, l'Allemagne s'était même pas qualifiée pour le tournoi de Sochi. Et puis, il n'y avait pas gagné de médaille en hockey sur glace depuis les Jeux d'Innsbruck en 76, alors que le pays n'était pas unifié, là. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui avait gagné cette médaille-là. Ça, c'est un exploit, là, fabuleux que l'équipe allemande a réussi. Et moi, à mes yeux, c'est la grande surprise de ces Jeux-là. Ouais, c'est clair que c'est une surprise fort intéressante. Fred, c'est pas mal intéressant ce qui s'est passé. Tu penses que Gary Bettman et la Ligue nationale vont être là à Pékin? Sûrement. Moi, je pense que oui. Là. D'ailleurs, les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas cachés. Ils veulent être là. Donc, je pense que quelque part... Ouais, puis je peux te dire une chose. Moi, si, je ne sais pas quand est-ce que le contrat avec NBC vient à échéance, mais je peux te dire que les codes d'écoute à NBC, ils ont baissé de beaucoup. Et je pense que ça va être dans le contrat de NBC, parce que NBC détient les Jeux. Et puis, je pense qu'ils vont dire à Gary Bettman, si tu veux garder cette entente avec nous, tu vas me garantir que les athlètes, que tes joueurs vont aller aux Jeux olympiques, parce que NBC n'était pas content du tout, là. Ben non, c'est clair. Le tournoi de hockey olympique, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est une catastrophe au niveau de la télévision. Aux États-Unis, il n'y a personne qui regardait ça, même quand c'était les Américains qui jouaient. Ah. Alors, c'est certain que NBC, elle, va vouloir s'assurer de cette visibilité-là. D'autant plus qu'on va avoir le même problème en 2022. On va avoir encore, si je ne m'abuse, là, c'est 13 heures de décalage avec Pékin. Ouais. 12 ou 13 heures. Fait qu'on va être dans le même état d'âme. Tu sais, les jeux vont se voir la même chose. Ça va être des jeux de nuit pour nous autres. Là. Effectivement. Je pense que NBC va vouloir avoir un plus-value ou s'assurer de la présence des joueurs de la Ligue nationale. Je pense que c'est l'an prochain, si je m'abuse, pour la Ligue nationale de hockey avec NBC. Alors, on dit qu'ESPN serait dans le portrait. Hein? C'est selon les informations qu'on a obtenues, ce serait pas surprenant. Hey, frère, c'est sûr, sauf que ESPN, on n'arrête pas de couper. Hein. Je sais qu'ils ont les moyens de faire une guerre pour des droits de hockey qui, aux États-Unis, demeurent quand même. Ça a progressé beaucoup, là, mais c'est toujours très loin de la NBA, de la NFL et du baseball majeur. OK. Fred, puisqu'il est question de tu suis pas mal tout, c'est la date limite des échanges aujourd'hui. Il est 9h20 au moment où on enregistre le podcast. Penses-tu que Max Pacioretty va bouger aujourd'hui? Moi, là, tu sais, c'est une réponse plate que je vais te donner. Je trouve que c'est 50-50. Moi, je pense qu'il y a autant de chances de rester que de partir. Ça dépend de l'offre qu'on fera à Marc Bergevin pour Pacioretty. Mais on se le disait un peu avant d'enregistrer tantôt. On regarde ce que les Bruins ont donné pour Rick Nash. C'est incroyable. Je comprends que Rick Nash, il a pas connu les mêmes 5 dernières saisons que Pacioretty. Mais je comprends que Pacioretty, c'est peut-être pas le joueur le plus électrisant de la Ligue, mais je comprends pas toute la haine qui est dirigé vers lui cette saison. Là. C'est pas la. Pacioretty a une mauvaise saison pendant que 80% du club a une mauvaise saison. Fait que c'est sûr que ça donne des résultats désastreux. Mais franchement, ce gars-là a été dans les 4 meilleurs marqueurs de la Ligue les 5 dernières années, tu sais, au total des buts. Pacioretty, là, on le sait, c'est 30 buts, c'est 60-65 points par année. Il a jamais laissé croire que c'était un gars de 85 points par année, le Pacioretty. Moi, j'y en demande pas plus que ça. Même s'il avait fini avec 25 buts, 25 passes cette année, bon, ça aurait peut-être été un peu décevant, mais en tout cas, là, il s'approche du plateau des 20 buts. Oui, c'est décevant, mais il n'y a pas juste. Pacioretty a jamais joué avec un vrai centre depuis qu'il joue à Montréal. Il a jamais joué avec un centre numéro 1. C'est ça qui me fait penser, c'est un fil que ça. C'est ça. S'il était le deuxième allié gauche d'une équipe, le Max Pacioretty, là, il vaudrait. Et d'ailleurs, le Canadien l'a eu à rabais. Ne pensez pas qu'il va signer pour 4,5 millions son prochain contrat. Là, il voudra pas. Ce qu'il va demander, c'est autour de 8-9, puis il ne valdra pas ça. Il ne vaudra pas ça, par contre. C'est pour ça que moi, je dis Il vaudra peut-être plus ça. À un moment donné, là, eux autres, c'est des joueurs de hockey, mais regardez ça d'un autre côté. Ces joueurs-là, ce sont des entreprises individuelles aussi. Ouais. Alors, eux autres, l'entreprise, ils veulent faire des profits à chaque année. Mmh. Et puis, c'est sûr qu'ils basent la négociation de contrat sur leurs accomplissements passés. Ouais. Connor McDavid, là, c'est présentement qu'il toucherait 15 millions par année, puis dans 5-6 ans, il signerait pour 3-4 millions. Mmh. Mais c'est pas de même que ça marche au sport professionnel. T'es toujours payé pour ce que t'as déjà accompli, pas nécessairement pour ce que tu vas accomplir. Et le Canadien, là-dessus, a visé dans le mille avec le contrat qu'il a offert à Pacioretty il y a quoi, 5 ans maintenant ou 6 ans? Parce que le Canadien là a eu un marqueur de 30 buts à rabais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui toutes ces années-là. Fred, en terminant, là maintenant les Olympiques sont maintenant chose du passé. On va se concentrer sur la fin de la saison. Puis le baseball qui est de retour, donc... Dans un mois, jour pour jour, là, le premier match entre les Jays et les Cards. J'ai hâte de voir une mise à jour. J'aimerais ça, Fred, parce que tu as les contacts, d'avoir une mise à jour vraiment là, du dossier. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on pense encore. Si on est aussi solide encore, si on est aussi patient, parce que ça avance pas vite au baseball majeur. Puis là, une nouvelle mairesse. J'aimerais ça avoir une mise à jour, voir ce qu'on pense du côté des. Si on est toujours prêt. Ça va être le fun? Ah ben je peux dire que je travaille là-dessus. Je peux te dire qu'on n'a pas grand chose à dire présentement parce que Regarde, les deux dossiers de Oakland et Tampa sont gelés. Il y a rien qui bouge de ce côté-là. Et le commissaire a été très explicite. En tant que ces dossiers-là ne sont pas réglés, on ne pensera pas à ajouter d'autres clubs ou à déménager des clubs. Mais à un moment donné, ça va-tu durer 20 ans? Malheureusement, on est un peu prisonniers. Non. Ça, par contre, évidemment, personne ne va me dire ça à micro ouvert, là. Mais on m'a dit que la patience du commissaire, il serait pas patient pendant 10 ans. C'est ce qu'on m'a dit, littéralement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va laisser traîner le dossier encore 5 ans, 3 ans, 2 ans? Je ne sais pas. Moi, mon feeling, et là, c'est une opinion bien personnelle au fil des conversations que j'ai eu le plaisir d'avoir, soit avec le commissaire Manfred ou encore de personnes au placé au baseball majeur, dont John McElfis, là, il y a plusieurs discussions que j'ai eues à micro ouvert avec lui, là, la plupart des conversations que j'ai avec John McEl, c'est toujours pour publication. Mais tu sais, le feeling est que on a hâte que Oakland et Tampa Bay soient réglés. Pour le baseball majeur aussi, c'est pas plus intéressant d'avoir deux moutons noirs là, un peu là. Deux boulets littéralement à traîner. On souhaite que ces deux dossiers-là se règlent. On espère rester dans les marchés de Oakland et de Tampa, Saint-Pétersbourg. On n'aime pas déménager au baseball majeur, mais je pense qu'on est prêt à le faire si jamais on doit le faire, là, qu'il n'y a pas de solution positive dans ces deux marchés. OK. Fred, gros merci. On t'écoute chez Punching Grace, sur la page Facebook de Punching Grace. Donc, très, très intéressant avec le retour de Jérémy Filosa ce soir, j'imagine. Et avec également Tony Marinaro de TSN Radio qui est vraiment intéressant à écouter, et Jonathan Gay et toi-même. Donc, c'est à suivre. Absolument. Merci beaucoup, Danny, puis on s'en parle bientôt. Fred Degg de la presse canadienne qui nous parlait un peu partout du bilan olympique et également de la date limite des